Elle vend des tonnes de rêves, mais ne s'en souvient pas. Il me pousse des ailes quand elle est dans mes bras. Je me sens à ma place qu'entrant ou sortant d'elle. Quand elle est dans mes bras, il me pousse des ailes. On ne croit surtout pas que je t'oublierai comme ça, Gwen. Allons, ne pleure pas, moi je suis amoureux de toi, Gwen. Elle a des doigts de fée dont un ne se déplie pas. Il me pousse des ailes quand elle est dans mes bras. Tant d'histoires dans ses yeux, de culture à l'appel. Quand elle est dans mes bras, il me pousse des ailes. On ne croit surtout pas que je t'oublierai comme ça, Gwen. Allons, ne pleure pas, moi je suis amoureux de toi, Gwen. Ce matin-là, où elle a pleuré devant moi, il me pousse des ailes quand elle est dans mes bras. Ce n'est pas Gwendoline, encore moins Gwenaëlle. Quand elle est dans mes bras, il me pousse des ailes. Non, ne crois surtout pas que je t'oublierai comme ça, Gwen. Allons, ne pleure pas, moi je suis amoureux de toi, Gwen. Allons, ne pleure pas, moi je suis amoureux de toi.